内心火热的忐忑感受我不说你不明，我身无力一去心渴望，这旧的 T 恤该如何去摆正，爱的疯狂伤彻底就几安度明，新的热情换个方法一样可以进行，拼命疯疯的天旋地转，如果那 walk in 没有方向漫无目的，拼命伪装支离破碎，你走的心能承受多少重量，你问什么别说太多，也有什么技巧的心灵感应，爱的疯狂像彻底就是安透明，新的热情换个方法一样可以进行， I want you you just don't leave me alone, I think I said I need I tried就忘了选择失去自我，种种迷雾占据眼帘，迷惑我风是吹暗落时的那波开迷雾，冲出自我灵魂在。哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦哇哦哦哦